consulter la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif. Marc Chenet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on commence avec une nouveauté qui nous vient d'Italie. Un projet qui réunit le flûtiste et saxophoniste italien Mauro Martello, que l'on a pu entendre notamment avec Osana, et le groupe sessionné Frenante. Et l'album a pour titre Prigionero di Visioni, et c'est pas un hasard si on retrouve comme invité Lino Veretti, chanteur de Osana. J'imagine qu'il y a une bonne connexion avec Mauro Martello. Et on aura de l'Ontario, de Toronto pour être plus précis, le groupe Bank Swallow, qui est mené par Alan Walks. Troisième album pour ce groupe, et à mon avis, c'est leur meilleur à ce jour, qui a pour titre Fake World. Et après ça, Marc, ben, on se dirige du côté de la Finlande. Oui, et c'est pas souvent qu'on a des formations finlandaises à l'émission. On parle ici de la formation Overhead, qui a débuté à Helsinki en 1999. Ils ont 5 albums à leur actif, et leur 6e album paraîtra au mois de mars prochain, donc en 2023. Ce sera un double album intitulé Telepathic Minds, et on aura un extrait donc de cet album, la pièce Sheep Stay Silent. Et ce sera suivi de Chris Angels, qui est aussi connu sous le nom de Chris Angles. Et on aura un second extrait de son nouvel album intitulé Wonderland, la pièce Winter Nights. Également, à partir de 21h30, on a un spécial d'une heure avec la formation grecque Verbal Delirium, qui a été fondée également en 1999. Ils ont 4 albums à leur actif, dont leur nouveau qui est paru hier. Donc, on aura avec nous John Cosmidis, aussi connu sous le pseudonyme de Jargon, qui sera avec nous pour nous parler des 4 albums de cette formation. Donc, leur premier, So Close and Yet So Far, était paru en 2010. Leur second, From the Small Hours of Weakness, était paru en 2013. Ensuite, en 2016, il y a eu l'album The Imprisoned Words of Fear. Et maintenant, donc, Conundrum, qui est paru hier. Alors, c'est un spécial à ne pas manquer de 21h30 à 22h30. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de Mauro Martello et Sessione Frenante. Thank you. Cieca la follia.

Next to our second album from 2013, From the Small Hours of Weakness, we will listen to Sudden Winter and Disintegration. Sudden Winter is maybe our fans' most favorite song. I wrote the music for it many, many years ago, somewhere around 2001. And it wasn't until 2010 that I wrote the lyrics and found out that they perfectly matched. And the puzzle was completed. The song talks about depression. I feel deeply connected with this one since it was my mother's favorite song. Disintegration, it has a really unique sound. I would call it something like a prog punk song. I definitely love the crazy and out of tune middle part piano solo and the melodic guitar solo as well that comes in contrast right after. Enjoy. sudden death on your senses. Your whole world has torn apart. Where are your friends when you need them? All gone so fast. And you're counting the days of all those sudden winters of your life. And you pray for the end of this torment, for the end of your days. Thank you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson. Fait que ça part! Mario est bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole, la bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6 des jardins. Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. I don't care, it's a double dare. I ain't scared, you best be where you best be. Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec présente Rêve d'hiver, un concert d'orchestre à ne pas manquer le 28 novembre prochain à la salle Louis Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Sous la direction de la chef Dina Gilbert, plus de 65 jeunes musiciens et musiciennes de tous les conservatoires de la province seront réunis sur scène. Billets à seulement 18 $. En vente dès maintenant au grandtheatre.qc.ca. Rêve d'hiver, un concert exceptionnel à ne pas manquer. L'opération Panier Noël du Pignon Bleu bat actuellement son plein en partenariat avec Métro Ferland. Cette initiative de chez nous vise à offrir cadeaux et denrées à 200 familles de Québec qui en ont bien besoin, particulièrement en cette année difficile. Le Pignon Bleu invite toute la population à faire un geste d'entraide en contribuant financièrement en ligne à pignonbleu.org. Plus que jamais, votre don va faire la différence. Merci aux donateurs et partenaires qui rendent possible cette belle chaîne de solidarité. L'équipe du Pignon Bleu vous souhaite de très joyeuses fêtes. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille. Depuis maintenant 18 ans, le duo Grondin et Lantier vous convie à une dégustation de saveurs oubliées. De la musique psychédélique à son meilleur. Et tout ça pour le plus grand plaisir de vos tympans. Tous les jeudis 22h au 89.1. CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita et on poursuit notre spécial sur la formation grecque Verbal Delirium et tout ça avec la complicité du chanteur, claviériste et compositeur Jargon. And it's time for the imprisoned words of fear from 2016, maybe our darkest one. Misleading Path started as a piece for piano and later on I decided to rearrange it for the band. The first version of the song had a long instrumental middle part section with two guitars and a saxophone solo. After recording it, we considered that it was too long and since there were many long tracks on the album, we decided to leave this part out. Images from a Grey World is a really old song. We used to play this back in 2002 with the band Afterglow, which was actually the first version of what later transformed into Verbal Delirium. So

finally, two new songs from our latest album, Conundrum, which we consider it as our most versatile one. It will be released on November 25th from Bad Elephant Music. The Water is maybe the most prog-oriented song on the album. It talks about a stalker, and you can notice the intense and sneaky feel, especially on the middle part. The last song is Conundrum, another one that initially started as a piano piece. A 70s prog-oriented instrumental song with references to bands such as Gong, Gentle Giant and Vatograph Generator. And the list goes on and on. Thank you. Hi, this is Jargon from Verbal Delirium and you're listening to Terra Incognita, the progressive references of Quebec City. That's it. Hope you enjoyed all of the songs and you liked our new album as well. Don't forget to follow and subscribe to our social media and YouTube channel. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ben écoutez, c'est littéralement une bombe qui vient de tomber dans le monde du hockey. Là, on vient d'apprendre de sources sûres, et ce, contre toute attente, que Montréal a échangé... Ça vous laisse sur votre faim de pas savoir ce qui se passe avec votre équipe de hockey préférée? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo et Maxi ou à guignolée.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita, on remercie Jargon pour sa participation à ce spécial sur la formation grecque Verbal Delirium à l'occasion de la parution de leur plus récent album Conundrum. Alors, pour le prochain bloc musical, on aura la formation japonaise T et leur nouvel album Total Edge Effect. Ce sera le troisième extrait. Ce soir, on aura la pièce Gathering Call. Et pour débuter, Michel, une formation italienne légendaire qui est active depuis le début des années 70. Oui, une formation qui avec PFM et Liorme, constituant en quelque sorte le triumvirat de base là, du prog italien progressif des années 70. Et on parle évidemment de Banco del Mutuo Soccorso, qui, malgré les multiples changements au sein du groupe, a réussi à produire un excellent album qui a pour titre Orlando, Le Forme de la Mort. Et on va écouter les deux premières pièces de ce nouvel album. Cavalier, l'arme e gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo, che passaro i mori, d'Africa il mare e in Francia non quel tanto. Io dirò d'Orlando, dirò in un medesimo tratto, cose non dette in prosa mai, cose mai sentite in rima, che per amor venne in furore matto, don che si saggio era stimato prima. Per amore, cosa fece del suo onore, che per amor venne in furore matto, don che si saggio era stimato prima. Io dirò d'Orlando che per furor divenne matta, don che si saggio era stimato prima. Thank you. trionfo in alto il cielo. Vinto fugge il nemico, la gloria è nostra, giusto così. Thank you.